Oh, mes amis, hier soir, j'étais aux sélections pour la prochaine Starac 5 pour aller choisir les candidats. Ah, j'y étais en nombre, hein, pour encourager un ami à moi, mon voisin Zouzou. Je vous ai déjà parlé de Zouzou? Oui, un petit peu. Bon, parfait. Bon, ben, on s'est installé dans les gradins et c'est parti. Oh, j'ai une de ces trouilles, moi. Je me sens nerveux comme un scout tout seul dans un parking avec un prêtre. Bon, j'aimerais bien se passer. Vous allez voir, il est très fort, le Zouzou. Ah, je sais qu'il est fort, mec. Toutes ces magouilles dans le showbiz, mes couilles, on est sûr de rien. J'ai chaud aux couilles. Oui, mais non. Tais-toi, Valérie, tu m'énerves. Manger. Oui, bah 2 secondes, Gunther. On ira manger après. T'as déjà bouffé 2 mentons, un strapontin et un candidat en retard. Tu vas attendre un peu, non? Ah, et arrête de bouder, s'il te plaît. Je crois que ça va commencer. Attention, premier candidat, Thierry Bigoudi. Il nous interprète un extrait de « Je suis seul et j'ai mal ». Je suis seul, j'ai mal. La société m'a isolé dans cette foule, je suis noyé. Au restant, je cherche la sortie quand on m'apporte les entrées. Bravo! Bravo! Tu vas la fermer, Valérie! On est là pour Zouzou, pas pour ce crétin qui a la coupe de Bernard Minet et les fringues de Pascal Sevran! Candidat suivant! Ah, mais, à tous les coups, il va être pris, hein! Ça, c'est la fameuse règle du quota homosexuel! Oh, bah, Zouzou, bon, le quota homosexuel, là, c'est chance, non? Ah, j'ai oublié, t'as raison, j'avais oublié! Au fait, il est où le Gunther? Il est là, il est tout ça, j'ai en train de manger les chaussures. Il est au bordel de schnapps, mon Zouzou! Candidat suivant, monsieur Zouzou! Il va nous interpréter un extrait de « Content comme le colibri qu'il a la gaule ». Ah, bah c'est pas trop tôt. Bah ça commence bien, j'adore la musique. Je suis content comme le colibri. Hier j'ai rencontré garçon beau comme Favela. Il avait lustrine, panthère, les sans-sac facochère. On a mangé des chamallows et puis pété dans l'eau. Je suis content comme le colibri qui a la gaule quand il a chopé Rossignol. Bravo! Bravo! Hurrah! Viva Zouzou! Eh ben, qu'est-ce qui vous arrive? Vous l'applaudissez, je sais pas. Je sais pas, Valérie. Je suis trop ému. Il est fort, mon Zouzou. Ah, oh, ben, vous pleurez, Helmut. Oui, ben oui, je pleure. Je chiale comme un enfant qui voit mourir son chien. Figure-toi, Valérie, que sous cette carapace de fer, il n'y a pas qu'un cœur de lion qui bat et un sexe de mouflon qui palpite. Il y a aussi une âme qui s'enflamme et s'émeut chaque fois que la beauté est au rendez-vous. Ah ben, je suis pas plus mal. Et voilà, mon Christophe. Ça s'est passé comme ça. À mon avis, c'est du tout cuit pour mon ami Zouzou. Allez, au revoir, Zen.